Right. J'ai pas préparé le doc. Mais si, il est là, mais il est là quelque part. Alors, ah, attends. Mais tu sais plus où. Ah, il est, bah, je vais le rouvrir. Voilà. Dans toute cette arborescence. Oh là là, oh là là. Ne m'en parle pas. Bonsoir, Tonai, comment vas-tu? Comment vas-tu? Eh ben, ça va, ça va. Viens, on cling-clong. Allez, on cling-clong. C'est du café, hein. Attention, les gens, c'est du café. On n'est pas comme ça dès le matin. Non, Alors, on va parler d'un groupe qui, ça va te surprendre, mais qui joue le vendredi en Main Stage 2. Eh ben, c'est surprenant ce que tu viens de me dire. Ouais, tu sais, bon. Dis donc. Ouais, parce que c'était vendredi déjà en Main Stage 2. Ouais, comme la précédente capsule. Mmh. Et là, cette fois, ils jouent beaucoup plus haut. Ah. Ouais, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard aussi, ouais. Donc, c'est un groupe. Alors, déjà, première question, est-ce que tu connaissais ce groupe? Alors, je connaissais de nom. De nom. J'ai dû en entendre un petit peu. Mais je découvrais en majorité quand même. D'accord, bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Qui est donc déjà venu au Hellfest? Alors. Mmh. Est-ce que j'aurai assez de doigts? 2006, 2008, 2011, 2014, 2017, 2022. 2022, oh, ça avait les doigts. Et qui a, on pourrait se demander d'ailleurs, mais pourquoi ils jouent en main stage? Pourquoi ils jouent en main stage d'après toi? Bah, parce qu'ils ont atteint cette popularité-là. Parce que moi, je sais que je les ai vus ailleurs qu'en main stage. De main stage band. De mémoire, en 2017, je crois que je les avais vus en Valais. Non, ou en Temple. Ouais. Ouais, plutôt en Temple. Ok. Est-ce que je vérifie? Ouais, moi je pense que tu peux faire confiance. Ouais. Aux commentaires. Ouais. Venez nous dire qu'on dit encore une fois de la merde. Voilà. Donc on va parler d'un groupe qui est déjà un peu plus ancien, un groupe qui existe depuis un petit moment. Mais je pense qu'avant de vraiment commencer à en parler, ça serait bien que tu nous fasses un petit générique. Allez. Et c'est toi qui fais le rythme. Tu veux un générique? Oh yeah. Toi, tu veux un générique? Oh yeah. Je suis là pour faire de générique. Je suis là pour faire de générique. Là, j'ai bien aimé le côté. C'est là? C'est pas là. Bon, allez, générique. T'as vu, je t'ai pas piégé. D'ailleurs, on a été un peu con parce que le générique, on aurait dû le faire avec le groupe de Gent. Gent, Neric. Ouais, même. Ah là là, putain, toujours trop tard. C'est pas me balancer des infos des fois. Toujours, c'est au bout de 60 Generic. Ouais, je sais bien. Mais je sais que t'en as encore sous le coup. Sinon, on fait un montage. Je refais un petit générique tout à l'heure. Non. D'ailleurs, t'as pensé à faire le petit montage? Ah, bah, j'ai pas encore attaqué. Ah ouais? Ah, putain. Attends, j'ai jamais pensé. Attends. Je sais même pas où le noter. J'avais dit, il est là. C'était par rapport. Ah oui, trompé. Finalement, on s'est trompé. Bah, d'ailleurs. Le groupe, bah, c'est facile. Le groupe, c'était Conan. Voilà, c'est ça. Mais alors, attends, j'ai essayé de le marquer là pour m'en souvenir. Jamais. En plus, c'est. Non, c'est bon, c'est pas. Heureusement, je suis venu de bonne heure. Je t'ai laissé plein de temps. Normalement, on est efficace ce matin. Un truc en haut, à droite. Et j'attends, je le mets. Ça veut dire faut que je retrouve le lien du truc, faut que je me fasse chier. Je suis désolé. Non, mais moi j'aime bien tous ces trucs-là. En plus, et je te rappelle qu'après, il faut que je m'occupe parce que techniquement, il y a un épisode demain. J'ai pas commencé. Ah. Ni chronique, ni news. Hein. Ah oui, carrément. Ah, et j'ai même d'accord. Pas les extraits, je crois, non plus. Oh, allez. Bah, ça, c'est vite fait. Alors on est là pour parler d'un groupe. C'est déjà 3:45, on n'a pas attaqué. Donc un groupe qui, comme j'ai dit, qui est déjà venu plusieurs fois, qui a même une très grosse discographie avec 14 albums. Mm-hmm. Un groupe suédois. Oui. Encore une fois, mais pas que, de métal progressiste. Eh ben, c'est moche. Wow. Progressif, de death metal progressif, de rock progressif et de métal un peu gothique par moment. Mm-hmm. Est-ce que tu sais donc du coup de quel groupe on va parler? Alors je pense que tu vas parler de Hopeth. On va effectivement parler d'Hopeth. Pour la qualité immonde. Ah là, c'est une très mauvaise capture. Waouh, où est-ce que t'as été chercher sur ce passage? YouTube, ouais. Tu connais pas ça? C'est meilleure pas chanson. Celle que j'ai retenue. Meilleure chanson. C'est ma préf, moi. passage du début. Ah ouais, tu l'as pas? Ah, c'est pas. Trop bien, c'est l'intro. Okay. Donc on va parler d'Opes, qui est donc un groupe, comme je lui ai dit, et comme je lui ai dit à lui, hein. Oui, il m'a dit comme je lui ai dit, un groupe de métal progressif qui englobe plein d'autres choses. Groupe suédois formé en 90 et qui a donc 14 albums. Aïe. Ce qui est pas mal. Ouais. Donc on va directement aller à l'essentiel, à savoir que Michael Åkerfeldt est là depuis le début. Okay. Alors au début, il était que à la guitare rythmique. Et après, en 92, il est passé au chant. D'accord. Après, il y a eu plein de changements de membres. Après, regarde, le guitariste, enfin le bassiste, il est là depuis 97. Ouais. Le guitariste solo des chœurs depuis 2007, le clavier, les synthés depuis 2011 et le batteur depuis 2022. Okay. Donc, il y a eu beaucoup de membres qui sont passés, vraiment une grosse liste, donc on va pas s'arrêter là-dessus. On va plutôt revenir sur deux trois autres choses. Donc, formé à Stockholm en 90, donc sur le... j'aime bien, c'est basé en grande partie sur la présence continue du chanteur et guitariste Michael Åkerfeldt. Et oui, c'est vrai. Donc, ce qui est intéressant, donc ce qu'il est passé de guitariste à guitariste-chanteur, le nom vient de l'empire fictif Opeth, la ville de la lune, dans le roman Sunbird de Wilbur Smith. Voilà, ça d'accord. C'est petite trivia que je vous balance comme ça. Okay. Et on doit dire Opeth. Bah, alors moi c'est marqué Opeth, donc il y a pas de H. Ouais, parce que je me demandais tout à l'heure, j'ai failli dire. Moi Opeth. Je dis Opeth, mais peut-être que ça se prononce Opeth. Je sais pas. Bah j'avoue que j'ai pas la prononciation. Déjà on n'est pas bon. Ouais. D'ailleurs tu sais pas si tu sais, mais sur le Discord on. Je me suis encore fait allumer sur ah bah, on s'est moqué de toi à un moment. Ah ouais, ils ont le droit. Ouais, non, donc ça, comme j'ai dit, ça recrute des musicos, mais comme ils vont pas rester, on passe à autre chose. Alors ce qui est intéressant, c'est en fait le changement du poste de guitariste à chanteur, il est arrivé après le deuxième concert où le chanteur de l'époque, David Isbert, il quitte directement le groupe. Donc Michael, il dit bon bah je vais prendre le micro. Et au début, ça joue un peu dans un genre de black metal et de death avant de très très vite se tourner vers du metal progressif et de plus en plus vers le rock progressif. Mm-hmm. Ouais, ouais. Voilà. Okay. Donc il faut savoir que le groupe quand même, donc en suédois, connaît un peu tous les autres groupes, donc ils se connaissent un peu. Et c'est sous l'influence d'Ishan, donc du groupe Emperor, ouais, okay, qui vont signer chez Candlelight Records et sortir leur premier album Orchid en 95. Ok. Ok. Un an après, en 96, le groupe publie son deuxième album, Morning Grease, et qui lui ramène directement la reconnaissance dans le milieu métal. Donc, il faut savoir que le groupe a une petite tendance, c'est qu'il répète très peu. Donc, genre, avant d'entrer en studio, pour l'album suivant, ils ont répété que deux fois avant d'entrer en studio. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et donc, bah ouais, ouais. Bah, ils ont beaucoup. Non, en fait, ils travaillent beaucoup, ah, oui, oui, mais ils répètent mais ça, ensemble, c'est sûr. Voilà. Donc. Avec Still Live, donc cet album où ils ont répété que deux fois, c'est donc en plus avec l'arrivée du logo du groupe, une particularité. Donc c'est un album concept. Il y aura beaucoup d'albums concept dans la carrière du groupe. Donc le concept, c'est un personnage principal qui est en quelque sorte banni de sa ville natale car il n'avait pas la même foi que les autres habitants. Ok. Voilà, tu te démerdes avec ça. Après 5 dates en Europe, Opes revient au studio Friedman pour son nouvel album aux côtés cette fois de Steven Wilson du groupe Porcupine Tree à la production. Ok. Steven Wilson, on en a déjà parlé dans le podcast. Ouais. Et donc en fait ils essayent de retrouver un petit peu la même expérience qu'il y a eu pour Still Life avant, c'est-à-dire de très peu répéter avant. Donc cette fois ils ont encore répété un minimum et même il arrive sans parole. Ok. Il va écrire les paroles en studio. Donc cette fois Åkerfeldt il a dit là c'était chaud, je me sens agréablement emporté par ce superbe résultat, cependant ça en valait la peine. Et donc il y a Wilson, donc Steven Wilson, qui pousse également le groupe à développer sa musique en incorporant de nouvelles sonorités et techniques de production. Okay. Donc il y a un peu ce côté-là, n'empêche, c'est que entre le tout début du groupe et l'évolution, tranquille, ouais, tout au long de leur carrière, ouais, ouais, le groupe tente des trucs, tu vois, comme un peu tu disais l'intro de l'extrait de tout à l'heure, tu vois, ouais, ils se permettent d'aller dans plein de trucs, quoi. Ils n'ont pas trop de limites, quoi. Après, Opes fait paraître son cinquième album Blackwater Park le 21 février 2001. Qui a été décrit par beaucoup comme un putain d'album, et moi je l'ai celui-là, ouais. Et j'ai oublié, j'ai même le t-shirt qui était donné avec le CD, je voulais le mettre pour la blague et j'ai oublié, et moi, alors c'est marrant, c'est que j'ai pas retrouvé ce truc-là à cette époque-là, parce que c'était un de mes premiers, pour moi, albums black que j'achetais, en fait, parce qu'il est un peu considéré comme album death black, mais moi j'avais une légende à cette époque-là, et je n'ai pas réussi à la retrouver. Ah zut. Ouais, j'ai pas réussi à retrouver, mais pour moi, à l'époque, donc ça remonte dans les années 2001, pour moi, à l'époque, le groupe ne se produisait que assis. C'est la légende que j'avais dans ma tête, d'accord? Donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais de mémoire, le groupe ne jouait que assis. Et quand tu t'écoutes Blackwater Park, ça te choque pas vraiment. Mais Blackwater Park, c'est un putain de chef-d'œuvre. Il est vraiment incroyable. C'est vrai qu'il est pas mal. Donc, là, il y a comment ça il y a comment il s'appelle Jonas Renksi de Catatonia, qui est un ancien ami d'Akerfeld, qui pour le prochain album lui suggère d'en faire un en deux parties. Il dit bah fais un album plutôt heavy et un autre soft. Et donc Akerfeld, lui, il est complètement séduit, donc il accepte sans même consulter le reste du groupe ni son label. Okay. Il part, il se prépare à faire ça. Donc le groupe est prêt à faire l'album en deux parties. Il devait juste arriver à convaincre le label. En gros, il fallait quelque part que je mente en expliquant qu'en le faisant paraître assez vite, ça ne coûterait pas plus cher qu'un album normal. Mm-hmm. Donc avec une majeure partie de l'écriture achevée, le groupe répète une fois avant d'entrer en studio en 2002. Ouais. Et c'est parti. Okay. Et l'album, il remporte le Grammy Award suédois en 2003 dans la catégorie de meilleure performance. Okay, hard rock, carrément. Voilà. Donc ça continue comme ça. Ils enchaînent comme ça tranquillement. La carrière elle monte tranquillement, tout okay, marche bien. Ouais, lui ouais. tente des trucs. En 2005, si je dis pas, ah ouais d'accord. Donc le groupe part signer chez Roadrunner Records. Ouais. Donc pour te situer un peu, toi qui es pas trop forcément fan, enfin pas trop, pardon. Connaisseurs. Roadrunner Records, dans les années 2000, c'est tous ceux qui ont fait Korn, Slipknot, okay. tout ça. Donc, ils ont vraiment une image de ce type-là. Ouais, ouais. Et quand on voit Opeth qui va signer chez eux, bah, les gens, ils ont tendance à dire, ouh, vous allez transformer votre musique, ouais, ça ouais, va ouais. pas aller, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et lui, en fait, Akerfeld, pour défendre le truc, il dit que pour lui, c'est la qualité de distribution internationale qui a fait qu'il a signé oui, chez oui, Roadrunner. Oui, c'était pas dans une intention de changer. Bah voilà, ou d'être dévendu. Et en plus, lui, il dit, c'est assez insultant d'être critiqué après 15 ans de carrière et 8 albums. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi nous n'avons pas réussi à gagner en crédibilité auprès des fans d'Opeth après toutes ces années. Je veux dire, nos chansons durent 10 minutes chacune. Voilà, ça, c'est le truc. Non, mais après, c'était pas une critique, c'était plus une crainte quand ils ont changé. Bah, ils les ont accusés d'être dévendus. C'est d'aller vers ceux qui donnaient plus d'argent et tout ça. Donc, voilà. L'album Héritage qui sort le 20 septembre 2011, il marque un tournant dans l'histoire du groupe parce que le style musical est tourné sur un rock à mi-chemin entre psychédélique et progressif, voire jazz et folk. Donc, toi, le son, il est moins lourd que par le passé, l'ambiance et la sonorité des mélodies sont typiques d'Opeth, mais c'est déjà le second album, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais après Damnation, qui n'y a pas de growl. Il n'y a pas de... pas du tout. Ah oui. Voilà, ça en ah fait partie. Et là, bah, je saute un peu les étapes et on arrive au dernier album en date qui est, j'ai trouvé qu'il y avait un truc très intéressant. The Last Will and Testament est un album concept qui se déroule après la Première Guerre mondiale, qui dévoile l'histoire d'un riche patriarche conservateur dont la femme est stérile, dont la dernière volonté, le testament, révèle des secrets de famille choquants. L'album commence par la lecture du vœu du père dans son manoir. Parmi les personnes présentes se trouvent trois frères et sœurs, des garçons jumeaux et une jeune fille qui... bien qu'elle soit orpheline et atteinte de la polio, a été élevée par la famille. Sa présence à la lecture du testament soulève des soupçons et des questions parmi les jumeaux. Les jumeaux sont le résultat d'une procréation de donneurs. Lors de la lecture du test, les jumeaux découvrent qu'ils ne sont pas liés au patriarche et par conséquent, ils sont laissés de côté du testament. La fille est la seule enfant du patriarche par le sang et elle est donc sa véritable héritière, bien qu'elle soit la fille de la femme de chambre du patriarche. À l'exception de la piste de clôture, A Story Never Told, tous les titres de chansons de cet album se composent uniquement d'un symbole de section et d'un nombre de 1 à 7 rendu en chiffres romains. C'est expliqué que ça correspond en fait à tous les actes du testament. C'est les paragraphes du testament. C'était d'accord. ça le concept. Mm-hmm. Ok. Voilà. Donc après, bien sûr, pour faire assez rapidement finir là-dessus, on demande à Michael Akerfeld s'il considère toujours vouloir faire du progressif dans sa musique. Et lui, il dit... Pour lui, il dit que c'est pas forcément si important. Lui, ce qu'il veut, c'est essayer de faire de sa musique. Il se pose pas la question. Ouais, mais en fait, il tient compte d'un truc. Lui, tout ce qu'il dit, c'est je veux pas me répéter. Il veut pas refaire ce qu'il faisait au début des années 2000. Ça l'intéresse pas. Lui, il veut progresser. Mais pas la particularité, mais c'est en fait, il s'intéresse pas à la musique qui sort. Ah, oui, oui. Il dit, j'écoute tout simplement pas de nouveaux trucs. Moi, je me pense sur des anciens trucs. Un artiste un peu dans sa bulle, dans son monde et voilà quoi. Ouais, en gros, il dit, je sais pas comment marchent les réseaux, j'y vais pas, je sais pas ce qu'il y a sur la scène musicale, je sais pas ce qui est populaire, ce qui est original. Lui, il veut créer, c'est tout, quoi. Il dit, ouais, puis je suis coincé avec mes vieux disques et j'ai encore tellement de musique à écouter, je n'ai donc aucune idée de ce qui se passe actuellement. Et de toute manière, ce qu'il explique aussi, c'est qu'il est pas du tout motivé par le succès ou la croissance du groupe. Il dit que ça fait plus de 35 ans qu'il a Opeth, il a plus de 51 ans. Lui, ce qu'il veut faire, c'est continuer de créer de la musique. Oui, et puis il est que dans ce groupe-là. Enfin, je veux dire, il est pas. Donc c'est vraiment son sa manière d'exprimer ce qu'il oui, aime, mais quoi. il pourrait c'est d'un côté essayer de voir ce que fait les autres pour essayer de s'intéresser, mais toi il dit tout ce qui est IA, ChatGPT, je connais pas, ça m'intéresse pas. Attends. Et il termine en disant je suis né en 74, donc j'ai grandi avec la new wave du heavy metal britannique, la scène allemande, la scène américaine des années 80 et ce genre de choses. Donc je pense que la scène métal d'aujourd'hui est un peu trop stérile à mon goût. Je ne suis pas enthousiaste à l'idée d'un nouveau groupe de métal ou d'un nouvel album de métal parce que j'ai essayé et la plupart du temps, j'ai juste l'impression que c'est trop peu métallique. Trop poli et trop épuré pour correspondre au genre, ce n'est tout simplement pas assez intéressant pour moi. Ouais. Voilà. Okay. Donc j'ai beaucoup parlé de Michael parce que c'est quand même lui qui compose tous les morceaux, il fait les morceaux, il les envoie, après il répète pas, ils enregistrent. Et voilà. Mais donc voilà, grosso merdo rapidement pour parler un peu d'Opeth. D'accord. Et donc, moi je les ai vus plusieurs fois en concert. Bah, je te rappelais la dernière fois quand on parlait de Cadavar, le fait que j'avais reçu un Mediator et que derrière moi il y avait des fans à qui j'ai donné le Mediator. Voilà. Et donc c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais que j'aime beaucoup, et je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire, mais que j'aime beaucoup pas tout. C'est-à-dire qu'il y a des albums que j'adore et d'autres qui me laissent complètement à côté. En mode, je sais pas si c'est à cause de ce qu'ils testent ou pas, mais je reconnais une carrière qui est riche, une carrière qui est hyper intéressante, mais tu vois, le dernier album, j'adore le concept. Musicalement, il m'a pas trop touché. Et donc, toi, Tonai, Opeth, grosse découverte, on va dire. Ouais, grosse découverte. Qu'est-ce que t'en as pensé? Très, très belle découverte. Ah! Non, mais faut dire que je suis un peu comme toi, en fait. Et puis, j'irais même plus loin. C'est pas un album que j'aime ou machin. C'est vraiment, il y a des titres, c'est carrément des pépites, quoi. C'est ça. C'est d'accord. Il y a des titres, c'est bon. Si j'avais pu mettre 5 heures dessus, j'aurais mis 5 heures dessus. Et puis, c'est bon. Il passait tout de suite en test de morceaux que j'ai envie de réécouter. Ouais. En fait, c'est ça, Opeth. J'aime pas tout. Il y a même des fois où je trouve que la recette est toujours un petit peu. Elle peut se ressembler, se ressembler. Tu sais, t'as des longues et belles intros. T'as un peu de growl qui arrive. Et puis, il y a cette mélodie qui nous entraîne tout au long du morceau. Donc, voilà, ça marche pas toujours au point, en fait, de ces certaines pépites qui sont vraiment, mais là, elles sortent du lot de ouf, quoi. Je veux dire, donc c'est ça, Opeth, j'ai pas tout écouté parce qu'il y a énormément de sons, donc je pense même que j'en ai loupé quelques-unes. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr. Mais en tout cas, quand j'ai été conquis, j'étais plus que ça, même. Soit je kiffais, il y a pas voilà, il y avait bon cette arrière-pensée, comme je te dis, c'est un petit peu voilà la recette Opeth, voilà, il a et ces tests là, je les ai pas ressentis tant que ça. Alors il y a une certaine évolution, hein, tu vois, on voit bien quand même entre le début et la fin, tu vois qu'il y a c'est peut-être pas forcément de l'évolution, mais c'est plus des une façon de touiller, j'ai envie de dire. Ouais, enfin moi j'aurais plutôt trop. Enfin c'est plus de pas se limiter justement au cadre, vraiment de se dire si on va là on y va, mais c'est pas comme dans certains groupes où tu t'as un peu peur, tu dis ils sont en train de prendre un virage, non, c'est que là t'as vraiment, ils disent venez on met un peu de truc là, oui, en fait ils restent ouverts au truc là, en plus si tu commences à connaître Opeth, j'imagine que tu dois te dire bon voilà, il teste un truc, alors, tu sais que il est pas en train de se dire si ça marche, voilà, on y va, quoi. C'est ça, c'est plus dans l'esprit de tiens, pour ce truc là peut agrémenter le morceau, alors voilà. Et parfois c'est léger, parfois c'est surprenant, parfois c'est magique, et il y a des fois où tu te dis non. Mais c'est un nom qui est, pour ma part, c'est un nom qui est assez ferme, en fait. Des fois, je te dis vraiment, si je prends le dernier album, c'est pas qu'il est nul, mais il me laisse un peu plat. Ouais, mais après, je pense aussi, c'est ça aussi je vais mal exprimer là. Mais quand tu sors des morceaux comme ça qui sont tellement exceptionnel. Non mais en fait je vois ce que tu veux. Une fois en fait, t'as goûté à ce nectar musical, bah c'est vrai que t'as envie de replonger dedans, quoi. Bah, et c'est vrai que tu peux être un petit peu en attente, et du coup t'es peut-être un peu en attente, et du coup si tu l'as pas, t'es un peu frustré. Bah, peut-être en fait, parce que si on essaye d'aller un peu plus loin dans la réflexion, c'est parce que je pense que justement là par exemple, comme tu l'as dit, en si peu de temps, t'as pas bouffé 14 albums. Non. Et je pense que même justement, toi, ce dernier album, je l'ai peut-être pas encore assez écouté pour en tirer justement nectar. Où t'as des morceaux et des trucs qui sont instantanément. Tu vois, vraiment, Blackwater Park, ça a été pour moi une des premières, alors très léger, comme je disais tout à l'heure, virage vers le Black Death à l'époque où j'étais full Roadrunner. Voilà, c'est pour situer pour les gens. Donc j'étais très néo-métal, très truc comme ça. Donc là, j'arrivais vers quelque chose qui commençait à toucher d'autres petites sensibilités chez moi. Et vraiment, l'album entier, je le trouve trop bien. Mais il y a des morceaux qui ressortent, qui surnagent. Et tout au long de la carrière, de ce que j'ai suivi, parce que j'ai pas non plus tout suivi d'Opeth, il y a des morceaux comme ça, comme je disais tout à l'heure, le Sorcerers, qui est vraiment le nom de l'album aussi. Celui-là, il m'a eu instant. L'avant-dernier de Opeth aussi, In Coda Vene Heum, eh ben, celui-là aussi m'a plus touché. Je pense qu'en fait, les morceaux qui m'ont moins touché, c'est des morceaux que j'ai pas assez creusés. Ouais, que j'ai pas, que je prends pas, c'est le temps de creuser sûrement, parce que je fais confiance à Eckerfeld pour nous proposer des super morceaux. Mais donc, du coup, là, toi. Eh ben, Opeth. Les morceaux qui ont matché, ont tellement matché que là, je suis sur un immanquable, en vrai. Ah, la vache! Après, voilà, peut-être au risque, voilà, d'avoir des petits moments un peu d'attente, voilà, mais, ouais, non, ça reste un immanquable et les morceaux, j'espère que les morceaux en question passeraient, tu vois, sur la setlist. Mais mais de toute façon, je pense que ça, dans tous les cas, je pense que c'est pas déconnant d'aller voir Opeth. Non. Et je te dis les pépites. Non, je peux pas. Alors après, je vais être honnête avec toi, c'est plutôt statique en live. Étonnamment. Ouais, mais après, bon, voilà, il y a des morceaux qui poussent à fermer les yeux. Non mais ça. Et dis-toi que moi, je les ai vus en main stage et donc sous tente aussi. Et en main stage, ça va. Et c'était en plein milieu de l'après-midi, très chaud, ça allait quand même. C'était pas forcément, on perdait un petit peu de trucs, mais ça allait quand même. C'était ça passait vraiment bien en fait. Mais c'est là quand t'as un groupe qui musicalement te touche, ça fonctionne aussi Donc oui. Donc là, on serait sur un immanquable. Ouais, carrément. Écoute, on regardera en off face à qui ils sont et puis sinon je t'accompagnerai. Dans ma tête, je me disais, mais je me dis non, je me gâche pas le plaisir. Non, mais tu veux pas que je te le dise ? Non, je verrai ça plus tard. Tu veux qu'on le voit ensemble ou tu veux le voir bien plus tard ? Ou je le dis et je te dis si ça le fait ou pas. Ouais, allez, vas-y. Non. Ok, on verra ça. Écoute, je suis content en tout cas de t'aies pu avoir cette petite découverte et je te remercie fort. Bon, c'est un plaisir. On se retrouve rapidement dans une prochaine capsule. Ouais, ok, très bientôt. Écoute, merci beaucoup Tonai et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Je crois que j'ai pas changé le son, tu vois, j'allais faire de la merde. Allez.